Le Conseil de coopération des Coréens en Allemagne et la filiale européenne de la direction d'outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie ont publié en commun le 27 courant une déclaration pour accuser les exercices militaires américano-sud-coréens de nature agressive.